wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah. Je possède un berger allemand, pouf pouf. Je suis possédé par un berger allemand. Depuis que cet animal partage ma vie, j'ai entendu proférer tant de sottises racistes à son endroit que je me sens tenu aujourd'hui de faire une mise au point. Parmi les retombées calamiteuses des ridicules événements estudiantins de mai 1968, un certain nombre de lieux communs écologiques ou animaliers, qui sont autant de contre-vérités aisément démontables sans cric, continuent néanmoins de circuler parmi les anciens combattants de ces monomes, qui les répandent encore en chevrotant leur béatitude babacoulante dans les sinistres couloirs en béton des maisons de la cucu moribonde. Idées toutes faites, mais qui ont la vie dure. Selon lesquelles, par exemple, tout individu qui tond sa pelouse ou qui désherbe ses sous-bois est une brute herbicide. Alors que crétin chlorophyllé que vous êtes, nous n'aurions plus la moindre forêt si des générations de nettoyeurs sylvestres n'en avaient régulièrement et systématiquement extirpé les ronces et les orties. Nous n'aurions plus le moindre jardin pour vos orgies végétariennes si des lignées de sabreurs de glèbes n'avaient jamais martyrisé la terre. Ce sont, hélas, les mêmes débiles écolos, confits d'amour tremblant pour les bébés phoques et les punaises des bois, qui ont décidé, une fois pour toutes, que les bergers allemands étaient des bêtes féroces. Ineptie, la seule bête féroce qui existe au monde, s'appelle Marcel. Elle se tient sur ses pattes de derrière pour aller au bureau. Et au lieu de se contenter de pisser autour de son territoire pour en signaler les frontières, elle préfère défendre les siennes avec des rapières et des armes à feu. Éperdue d'amour pour ces prédateurs bipèdes à béret bas qui leur jettent leurs épluchures à la gueule depuis des millénaires, les chiens ne savent que les lécher, les papouiller et leur faire la fête. Le berger allemand, qu'on a surnommé chien-loup pour foutre la trouille aux agneaux, est le plus désespérément dévoué à l'homme. Lequel en profite parfois pour le dénaturer et en faire son complice de guerre, son flic privé ou son bourreau personnel. Les hordes vert de gris, de naguère notamment, se sont montrées assez expertes en l'art de dévoyer l'énergie mordante des bergers allemands vers les fonds de culotte de leurs maigres victimes. Mais DSS, il en subsiste encore aujourd'hui. Il y en a plein les pavillons de banlieue. Nostalgique des ordres noirs, affolé par tout ce qui bouge et qui n'a pas de certificat de baptême, sa voix des bandits et des impies partout. Sa vie barricadée derrière des huisseries blindées, et ça cotise à la milice communale des serreurs de fesses effarées. Souvent, c'est nanti d'une femelle à moustache à sensibilité de catcheuse, insaisissable au lit et castratrice à table. Alors, pour se venger, pour avoir l'air plus grand et moins ratatiné, ça s'abrite derrière un berger allemand. Le soir, à l'heure où les employés de banque normaux se mettent des portes-jartelles pour épater leur femme de ménage et sa belle-sœur Thérèse, ça descend dans sa cave en tirant le gros chien au bout d'une corde raide. Ça s'ennoblit d'une schlague, ça s'enfile dans des bottes de cuir et dans des blousons rembourrés, et s'adresse le bon gros chien Concon à la tuerie sécuritaire. Mais un jour, le bon gros chien Concon en a ras la truffe de sauter à la carotide d'un mannequin de son qui lui a rien fait. Le fouet finit par lui cuire le sous-poil. Ses vieux instincts de fauve, enfouis sous des siècles de servitude aux droits de l'homme, lui remontent soudain aux babines. La vue brouillée par la fureur, il se trompe de gorge à saigner. Alors, la bouture de nazi que le chien-loup assaille pousse des cris stridents de cochon qu'on abat. Et le lendemain, le journal local annonce: encore un paisible retraité dévoré par un berger allemand. Et ça, que voulez-vous, c'est très très mauvais pour l'image de marque de Rintintin. Bien sûr, il existe, en quantité infime, des bergers allemands qui naissent aussi féroces que des fachos français, de même qu'on a vu des maquerelles wallonnes aussi plates que des morues flamandes. Mais c'est extrêmement rare, et c'est souvent le fruit des triturations génétiques de marchands d'animaux peu scrupuleux qui ne craignent pas de provoquer des dégénérescences de fin de race en accouplant à couilles rabattues des cousins encore plus germains que Dédé de Bavière et Josette de Prusse. Et puis merde, quand par malheur un berger allemand se farcit un bébé tartare dans un berceau, qui nous dit que c'est pas le bébé qui a commencé? Cessons de calomnier cet animal, qui est, à l'instar de l'infirmière de nuit de l'hôpital Marthe Richard, le meilleur ami de l'homme. Aucune bête au monde, si ce n'est peut-être le morpion pubien, n'est aussi profondément attachée à l'homme que le berger allemand. Aucune n'est plus dévouée, attentive et patiente avec les petits-enfants qui peuvent sans danger lui tirer la queue, lui tordre la truffe, lui bourrer les oreilles de miettes de petit-lu et lui enfoncer du white spirit dans le trou du cul à l'aide d'un tuyau de caoutchouc pour jouer aux 24 heures du Mans, catégorie clébard. Et puis, il faut le savoir, le berger allemand est le plus intelligent de tous les chiens. Le mien, par exemple, refuse absolument de faire ses besoins ailleurs que sur la pelouse. Bon, les coins graviers lui désobligent le dessous de queue, j'y peux rien. Que voulez-vous, c'est une bête délicate. Il sait cependant à quel point je désapprouve ce laisser-aller défécatoire. Alors, à l'aide de sa queue trempée dans la peinture, il a rédigé des petits panonceaux, attention caca, qu'il plante à côté de chacun de ses oublis. Le jardin ressemble ainsi à un golf miniature, c'est très joli. Oh, je sais bien que de nombreux auditeurs ne vont pas me croire, mais je pose la question parmi ces incrédules. Combien vont à Lourdes sans rigoler ?